Le mythe de l'after, c'est un after que je te proposerai si tu venais avec moi. Le mythe de l'after, c'est cet after que tu apprécierais en venant ce soir danser chez moi. En sous-vêtements, tels que j'ai pu les connaître, dodelinant pour l'amour de la musique, dodelinant pour l'amour de la musique. Le mythe de l'after, c'est cet after où peut-être l'on baisera sur un air de Claude François. Le mythe de l'after, c'est cet after où je me casserai un bras vers 8h du matin sur mon sous-speed avec vue sur la cathédrale. Et tant pis si tout le monde se couchera. Et tant pis si tout le monde se couchera. Cet after, ma chérie, ce ne sera sûrement pas un mythe si tu me suis, et tout de suite. Si tu me suis, et tout de suite.